Pourquoi faut-il une politique de la réparation? On pourrait s'étonner qu'un terme qui relève avant tout de la médecine d'un côté, de la justice inter-individuelle de l'autre, ait pris au cours du XXe siècle et déjà très fortement au début du XXIe une tonalité nouvelle d'un ordre politique. Ce terme, c'est celui de la réparation. La réparation, c'est plutôt dans l'histoire de la philosophie de l'ordre de la justice entre les humains individuels dans une société politique. Ainsi, la justice réparatrice ou correctrice pour Aristote, vient-elle compenser par une peine le tort infligé à un citoyen ou à un individu par un ou par une autre? La justice inter-individuelle relève de la réparation entre les États ou du côté de l'État. Cela n'a jamais eu une telle importance historique. L'État est un acteur qui peut certes commettre des crimes, qui peut être jugé, mais comment peut-il les réparer, lui qui est un monstre froid, comme disait Nietzsche, quelqu'un, une instance qui agit avec des règles de justice différentes et dont la dimension morale, le fait de reconnaître des torts passés et d'agir par des moyens moraux et par la justice pour les réparer, ne semble pas le concerner. Pourtant, tout le XXe siècle et déjà le XXIe donne un sens politique à la réparation. À la fin de la Première Guerre mondiale, et déjà aujourd'hui dans le contexte de la guerre en Ukraine agressée par la Russie, les traités de paix ont été accompagnés par des mesures dites de réparation. L'Allemagne paiera, disait-on en France. Il ne suffisait pas de sa capitulation, il fallait qu'elle répare des torts commis qui semblaient incommensurables déjà dans la Première Guerre mondiale, mais que le vainqueur imposait malgré tout aux vaincus. Des destructions de cathédrales, des destructions économiques, des torts moraux, métaphysiques presque, qu'on imputait déjà à l'époque, au-delà de la guerre elle-même, à l'État vaincu. Les réparations financières, on le sait, ont d'ailleurs été au cœur du sentiment d'injustice qui a nourri les mouvements conduisant à la Seconde Guerre mondiale. Les crimes de la Seconde Guerre mondiale, eux, comme l'esclavage en Afrique, semblent relever de l'irréparable. Et pourtant, là aussi, il y a eu des demandes de réparation. Elles pouvaient sembler incommensurables. Par exemple, restituer les biens volés aux légataires des familles assassinées, ou bien pour l'esclavage, comment réparer à des descendants de 4 siècles de violence ces torts incommensurables? Pourtant, il faut une politique de la réparation, il faut une politique qui mette ce thème au cœur de l'histoire humaine, une politique déjà de la reconnaissance profonde des crimes irréparables et des moyens concrets aujourd'hui d'assurer une compensation minimale qui permette une réconciliation et une reprise de l'histoire.